Hadi görüşürüz. On avait des voisins arméniens à Harbiye et c'était drôle parce qu'ils venaient de l'est de Turquie, donc ils venaient d'un village kurde. Donc maman et papa, entre eux, ils parlaient kurde. Avec les enfants, ils parlaient turc. Mais les enfants allaient dans une école arménienne, donc ils parlaient arménien entre eux. Donc dans la maison, il y avait trois langues. Oui, les parents parlaient pas arménien et les enfants parlaient pas kurde. Ah oui, donc les parents, quand ils veulent que les enfants comprennent pas... Voilà. Chacun avait son petit espace pour combiner des choses. Beklemiş daha hatta o beklemesi Journal Agos. Rencontré Robert Koptaş. Koptaş. Non, c'est Koptaş. Ah, Koptaş. Commence pas. Koptaş, Koptaş. Robert Koptaş, donc rédacteur en chef du journal Agos, que nous avons déjà rencontré. Là, on va faire comme si, hein, c'est cette nouvelle ère numérique qui nous met tant en joie et qui nous fait gagner tant de temps. En gros, aujourd'hui, on est en train de refaire la même journée que vendredi. Merci la technologie. Un petit accident, ouais. Oh, ça risque pas. Ouais, bon. On perdait du temps avec les bandes aussi. On y va. On y est ? Super. 16h56. En fait, il a été assassiné juste là, Ramzi. En sortant du boulot. En allant, en rentrant.